troisième temps de l'histoire de l'imprimerie dans la Fabrique de l'Histoire ce matin. Aujourd'hui, une balade radiophonique dans le musée de l'imprimerie et de la communication graphique de Lyon. Après avoir évoqué lundi les ambiguïtés liées à la naissance de l'imprimerie avec l'historien Roger Chartier, puis avoir raconté hier dans le documentaire de Séverine Yatar et d'Anne Fleury sur la grande grève du Parisien libéré les difficultés liées à la transformation de l'imprimerie de presse dans les années 70, et avant demain de nous intéresser aux libelles et aux mazarinas, nous allons ce matin suivre Séverine Yatar dans la promenade qu'elle nous propose à l'intérieur du musée récemment rénové et réouvert de l'imprimerie et de la communication graphique de Lyon. Donc avec Séverine Yatar et ses invités, Alan Marshall, Bernard Jelin et Mathieu Corta, nous allons comprendre pourquoi les institutions lyonnaises sont si riches en collections de livres imprimés anciens et pourquoi Lyon a été un des grands centres de la production mais également du commerce du livre à la Renaissance. Alors, nous nous trouvons dans la cour du musée de l'imprimerie et de la communication graphique. Donc, ce musée à Lyon se trouve rue de la Poulaillerie, à côté de Cordeliers, enfin en plein centre de Lyon, à côté de l'hôtel de ville également, et surtout tout proche donc de l'ancien quartier des imprimeurs qui se trouvait essentiellement vers la rue Mercière, je crois. Alors, nous sommes avec vous, Alan Marshall, vous êtes directeur du musée. Peut-être vous pourriez nous faire un peu la présentation. S'il y a un musée de l'imprimerie à Lyon, c'est essentiellement pour trois raisons. Lyon était l'un des grands centres, non seulement de la production du livre imprimé, mais aussi du commerce du livre, au 15e et 16e siècle, par sa situation géographique, entre autres. Deuxième raison, Lyon a des collections très importantes. Donc, si je cite la bibliothèque municipale, qui est la deuxième collection patrimoniale après la bibliothèque nationale. Troisième raison, c'est des gens. C'est une famille d'imprimeurs, la famille Audin, dont Maurice Audin est le fondateur du musée. Donc c'est par sa volonté, aussi par les connaissances de deux générations d'imprimeurs érudits, donc Marius Audin était son père, qui avait créé lui-même un musée en Beaujeu, en Beaujolais, le musée du Beaujeu. Maurice, fondateur du musée de l'imprimerie, et son frère, Amable, qui était fondateur du musée gallo-romain. Donc une famille tout à fait exceptionnelle. Et ça a été un peu le moteur qui, avec la municipalité, a créé le musée au début des années 60. Alors ici, c'est un ancien hôtel particulier du 15e siècle. On va donc déambuler dans ce musée que vous avez refait en fait tout récemment. Hein, au mois de novembre, il a réouvert, si je puis dire. Et donc un musée où on ne voit pas toutes les collections, parce qu'il y a des nombreux fonds. Et notamment Bernard Jelin, vous êtes un grand collectionneur de journaux et aussi un grand donateur de journaux et de presse. Moi, je suis tombé dedans et quand j'étais tout petit. J'ai été intéressé par la presse périodique très jeune, à la fin de la guerre, et j'ai continué, c'est tout. Mais tout type de journaux, c'est-à-dire quelle date ? Moi, personnellement, je me suis intéressé à la presse quotidienne. C'est celle-là qui m'avait frappé, c'est celle-là que j'ai collectionnée et qui constitue à peu près 80% du fonds actuellement. Mais en remontant, évidemment, le plus possible. Au départ, je gardais les journaux que je trouvais sur place, que mes parents, mes grands-parents lisaient. Et puis, c'était une époque où il y avait un grand renouvellement. La presse foisonnait, ça m'avait fasciné. Puis après, évidemment, je suis remonté dans le temps, j'ai eu des correspondants à l'étranger, et ça a pris un petit peu d'ampleur. Alors nous sommes toujours dans la cour encore du musée de l'imprimerie à Lyon. Aussi avec vous, Mathieu Corta. Alors vous êtes dessinateur de caractère, typographe, et vous avez participé aussi à la remise en musée, si je puis dire, de tous ces fonds concernant l'histoire du livre et de l'imprimerie. Et donc nous sommes face à deux plaques. La plaque du haut est plus ancrée dans l'histoire locale. C'est le texte qui explique que le conseil municipal de l'époque s'est réuni ici pour voter la construction de l'hôtel de ville actuel. Le texte du bas est une copie. L'original était présent au XVIe siècle dans cette cour. Maintenant, il se trouve au musée gallo-romain de Fourvière. C'est la table claudienne, le discours de l'empereur Claude, qui était lyonnais, pour que les non-romains obtiennent le droit de vote à Rome. Et donc, c'est un texte gravé, entièrement en capitale romaine monumentale. Donc, le texte n'a pas d'espace entre les mots, il n'y a pas de lettre J, pas de lettre U, ni de W d'ailleurs. Ce modèle de lettre capitale romaine a servi de référence tout au long de l'histoire de la typographie, et on le retrouve repris régulièrement, réagencé. Le modèle historique, c'est la colonne Trajane à Rome. Et malgré les évolutions de forme, on va régulièrement repuiser vers ces formes-là. Et pourquoi ? On sait pourquoi on repuise ? Parce que c'est assez classique ou c'est assez souple, je ne sais pas, comme genre de typographie ? Oui, justement, alors il y a différents types de typographie. Il y a de la typographie de titre qui est avant tout faite pour être visible. On ne la lit pas, il faut qu'elle tape à l'œil. Et donc là, toutes les formes graphiques sont possibles. Dans la typographie de labeur, donc pour les textes courants, on a quand même besoin d'une certaine efficacité. Et comme on lit bien ce qu'on connaît, les évolutions sont très très lentes. On pourra le voir tout à l'heure, au XVe siècle, changer les habitudes de lecture d'une poignée de personnes alphabétisées, c'était relativement facile. En 50 ans, la forme du livre a été bouleversée. Aujourd'hui, c'est très difficile, les évolutions sont très très lentes parce qu'on a des millions de lecteurs. Il suffit de voir les différentes réformes orthographiques, comme elles passent mal en général. Tout le monde quasiment est conservateur sur le sujet. Pas forcément du point de vue philosophique, mais c'est surtout une question d'efficacité. Quand un mot n'a pas la forme graphique qu'on est habitué à voir, il nous faut plus de temps pour le lire. Et ça nous dérange un peu. Donc nous allons commencer notre déambulation dans le musée avec vous trois, donc Alan Marshall, Mathieu Corta et Bernard Gélin. Alors là, nous traversons une première salle avec des caractères mobiles en métal, les premiers, hein, c'est ça, qui viennent de Corée. Oui, tout à fait. En fait, on est dans la mise en scène avant d'aborder l'imprimerie typographique qui a été inventée par Gutenberg. Donc Gutenberg, bien sûr, n'a absolument pas inventé l'imprimerie qui nous vient de l'Orient, le bois gravé, qui est une technique très ancienne, et aussi les caractères mobiles, métalliques, qui prédatent Gutenberg aussi parce qu'ils nous viennent de la Corée. Mais notre propos commence véritablement à... nos collections imprimées commencent avec Gutenberg et avec les incunables et les imprimés. Toute la typologie des formes et des usages de l'imprimé de Gutenberg jusqu'à nos jours. Allons-y. Ici, on a côte à côte un feuillet de la Bible de Gutenberg avec un feuillet manuscrit sur parchemin d'un ouvrage liturgique de la même époque. Et ce qui est frappant dans les deux, c'est la ressemblance entre les deux objets. Donc Gutenberg a beau inventer une technique révolutionnaire, il a été élu homme du deuxième millénaire en 2000, avec raison, pour l'importance et l'impact de son invention. Mais il n'a pas inventé grand-chose au niveau de l'apparence de l'objet. C'est-à-dire, il reprend dans ses caractères mobiles en plomb, il reprend essentiellement les mêmes formes que les caractères gothiques utilisés par les copistes. De même, la mise en page en deux colonnes, l'utilisation d'initiales pour marquer les quelques paragraphes, la place laissée pour l'ornementation qui se fera à la main par la suite. Donc il se place résolument dans un marché existant, le marché de livres manuscrits, qui remonte à l'introduction du codex plus d'un millénaire avant. En fait, l'innovation, c'est de pouvoir reproduire plus facilement ensuite ces imprimés. C'est la production en série. Et aussi, bon, c'est un système technique qu'il invente. Ce n'est pas simplement des caractères mobiles. Ce n'est pas simplement une presse imprimée. c'est le fait d'avoir les deux qui sont parfaitement compatibles. Les Coréens avaient inventé des caractères mobiles. Leurs caractères mobiles ressemblaient, pour nous, à des petites pièces de Scrabble. Les caractères inventés par Gutenberg sont beaucoup plus normalisés. L'avantage étant que Gutenberg, quand il compose ses caractères, il peut avoir une surface qui est parfaitement uniforme, plat. Et c'est là le deuxième aspect de son invention entre en jeu. Les Coréens imprimaient leur pièces de Scrabble qui étaient assemblées pour faire le texte. Par exemple, ils tenaient dans le cire d'abeille, par exemple. Ça ressemblait plutôt à une rue pavée de Paris qu'à une surface d'impression bien, bien plate. Ça ne gênait pas parce qu'ils imprimaient au brunissoir, à la brosse, ils rattrapaient les aspérités de leur caractère. Gutenberg, par contre, il a des caractères beaucoup plus normalisés, bien plates, et à ce moment-là, il peut mettre au point. Le complément, c'est la presse à imprimer avec une platine parfaitement plate qui permet d'imprimer mécaniquement, d'une manière répétable, des centaines d'exemplaires d'une qualité uniforme. Alors, qu'imprime-t-on et pourquoi l'imprime-t-on ? Parce que là, évidemment, nous sommes devant la Bible de Gutenberg et la question de l'impression de documents religieux, elle est importante, Alan Marshall. Donc il y a des documents religieux, liturgiques, aussi des documents de droit. Ce sont deux grands classiques. De manière générale, pour nous, on aborde presque 6 siècles de production. On peut dire schématiquement, ça commence par le livre. Ensuite, on va rajouter l'estampe, c'est-à-dire l'image volante qui circule en tant que telle, qui n'est pas une illustration dans un livre. Ensuite, on va rajouter la presse périodique. Ensuite, il y a toute une partie d'imprimés commerciaux et administratifs qui vont prendre l'importance, qui existe depuis les tout débuts de l'imprimerie, mais qui vont prendre une importance toute particulière à partir du 19e siècle. Et aujourd'hui, on est dans ce que les graphistes appellent le design d'information, c'est tous les imprimés qui véhiculent l'information d'une manière ou d'une autre et qui constituent une très grande partie de la production, mais aussi de la création typographique à l'heure actuelle. On peut dire que l'aventure de l'imprimerie, c'est une aventure européenne. Donc si le premier chapitre était germanique, le deuxième chapitre est italien. Donc c'est la mise au point de l'écriture typographique qui est le plus répandu en Europe et en Occident aujourd'hui. Et donc, oui, Mathieu Korta, notamment des nouveautés, enfin, ce que vous appelez les nouveautés typographiques. Oui, effectivement, Gutenberg utilise des caractères de gothique textura, c'est-à-dire une forme de gothique très serrée, très noire, surtout en usage au nord de l'Europe. Dans le sud de l'Europe, c'est plutôt la gothique rotunda, qu'on trouve aussi dans des incunables de l'imprimé. Mais très rapidement, peu de temps après, en fait, vous avez des typographes allemands qui vont s'installer à côté de Rome, à Subiaco, et qui créent une nouvelle forme de lettre que vous avez ici, donc il va s'appeler le romain. Cette première forme a du succès donc en Italie, elle est mise au point quelques années après, très peu de temps, il y a 8 ans entre les deux pages, par Nicolas Janson. Donc c'est une police de caractère que vos auditeurs ont probablement sur leur ordinateur. Souvent les gens prononcent Jenson en pensant que tout ce qui est sur un ordinateur vient des États-Unis. Donc Nicolas Janson, cette forme de lettre qu'on a sur la page ici est à peu près celle qu'on a encore aujourd'hui. Très régulière, voilà, enfin, en tous les cas la pagination en plus. Ah oui, c'est un beau bloc bien carré. Voilà, 99% des livres en librairie sont toujours composés avec ce caractère-là, qui date de 1478, qui a été mis en place très rapidement, mais qui n'a que très peu bougé depuis. Parallèlement, il y a un autre caractère qui est inventé dans ces années-là, par Aldmanus, donc un imprimeur vénitien, qui invente aussi un nouveau format de livre. Jusque-là, ce qu'on a vu était très grand, très massif. Ce sont des livres lourds qu'on pose sur une table ou sur un pupitre, donc on lit a priori debout, et qu'on lit à voix haute pour plusieurs personnes. Aldemanus lui fait des livres plus petits. Alors, ce n'est pas encore le format d'un livre de poche, mais c'est le format des, voilà, des livres qu'on trouve en librairie, des romans qu'on trouve en librairie aujourd'hui. Et donc, c'est un livre qu'on peut lire assis, qu'on peut lire aussi couché, et surtout qu'on peut lire tout seul. Et ça, ça change beaucoup de choses dans la façon d'appréhender les textes. Déjà, on lit beaucoup plus vite quand on lit dans sa tête que quand on lit à voix haute. Et on peut laisser son esprit s'envoler, voilà, vagabonder. Et ça pousse à l'introspection et ça pousse aussi à avoir ses idées personnelles à soi. Et ça pousse également les auteurs qui commencent de vouloir avoir leur propre style. Et quel type alors de textes sont publiés justement dans ce format, Mathieu Korta? Alors là, en l'occurrence, les deux exemples sont assez représentatifs. Vous en avez un, c'est de la poésie. Et donc pour la poésie, Aldemanus crée aussi une nouvelle écriture donc, qui s'appelle l'italique, qui, contrairement à ce qu'on pense généralement quand on imagine l'italique, n'est pas penché, ou à peine. C'est très très peu penché. L'intérêt de l'italique, c'est que ça prend moins de place en largeur. C'est un peu plus étroit, et donc on n'est pas obligé de couper les vers. En poésie, ça c'est pas très agréable, pratique, oui, c'est fait, très pratique. Et l'autre ouvrage est d'autant plus intéressant, c'est un traité d'orthographe et de grammaire italienne, parce que l'orthographe de la plupart des langues européennes qu'on connaît aujourd'hui a été pour une grande part mise en place par les imprimeurs, surtout au XVIe siècle, qui alors, ils se publiaient des débats contradictoires les uns les autres sur leur opinion. Il y avait par exemple M. Louis Maigret, un grammairien lyonnais, qui ne voyait pas pourquoi un mot devait toujours être écrit de la même manière. Il y a plusieurs façons de cuire les œufs, pourquoi une seule façon d'écrire un mot? Et ce qu'on ne se rend pas forcément compte, c'est que jusqu'au XVIIIe siècle, à peu près, ça commence de changer avec Diderot, qui défend le droit d'auteur. L'orthographe, la ponctuation d'un texte, c'est l'imprimeur qui décide. L'auteur a peut-être son mot à dire, mais en dernier ressort, c'est l'imprimeur qui décide. Alors justement, en changeant peut-être de salle, on pourrait parler un peu qui est cette catégorie d'imprimeurs et même d'ouvriers typographes. Ce sont des maîtres imprimeurs qui sont patrons chez eux. L'histoire de l'imprimerie, de la production graphique, c'est une histoire de spécialisation progressive. Au début, c'est l'imprimeur libraire. L'éditeur n'existe pas, ça, c'est une invention plutôt du 19e siècle. Différents métiers se spécialisent petit à petit. Le fondeur typographique, le fabricant des caractères typographiques, les fabricants des encres sont parmi les premières spécialités à se séparer. Et au fil des siècles, les corporations vont se multiplier, jusqu'à la Révolution française. Et ensuite, les métiers vont se multiplier avec les nouvelles techniques, les nouveaux procédés, aussi un peu avec les nouveaux marchés qui s'ouvrent. Et aussi avec cette multiplication des strates, on va s'éloigner progressivement de la situation où une seule entreprise, entre guillemets, peut assurer tous les travaux jusqu'au point aujourd'hui où on a, et depuis un siècle et demi, on a une industrie qui est excessivement hétérogène, qui correspond à une multiplicité de marchés, d'usages de l'imprimé, chaque secteur avec ses propres règles, ses propres usages, ses propres attentes, ses propres techniques, souvent. Je voulais aussi aborder avec vous, Alain Marchal, puisqu'on est dans cette première salle. Je crois que vous avez un exemplaire du fameux placard qui avait été diffusé au moment donc de la réforme, et qui a une importance aussi. Oui, c'est difficile de surestimer l'importance de l'imprimer. Le placard contre la messe, c'est intéressant d'une part par l'impact qu'il a eu sur en quelque sorte l'un des déclencheurs des guerres de la religion. C'est vraiment un symbole de la puissance de l'écrit. C'est aussi un symbole de la fragilité de la chose imprimée, parce que quand le musée a été créé, très très très peu d'exemplaires de ce document étaient connus. C'est un document qui a survécu parce qu'il a été recyclé. Le papier sur lequel il était imprimé a été utilisé pour faire du carton, pour réaliser une reliure. Certainement à une époque où il n'était pas très conseillé d'afficher le fait d'être propriétaire du placard contre la messe. Alors là, à Alan Marshall, nous avons monté 2 étages, des petits escaliers, des mezzanines, bref, un petit chemin tortueux. Et nous arrivons donc à la naissance de la presse périodique, qui commence là au XVIIe siècle. Oui, cette histoire de stratification des formes de l'imprimé, ce n'est pas simplement quelque chose de formel. Ça correspond fondamentalement à une accélération de la circulation de l'information dans la société, à une augmentation constante du volume d'information et aussi à une multiplication des différents usages, des différents types d'informations qui doivent circuler dans la société. Disons que la presse, ça existe avant la presse imprimée. Il y avait des nouvelles à la main qui tournent dans la société, qui véhiculent les informations commerciales, les informations diplomatiques, les informations politiques, dans les circuits restreints, parce qu'il s'agit de documents manuscrits. Donc j'hésite à dire grand-chose devant Bernard Jolin, qui connaît ce domaine infiniment mieux que moi. Ça commence quoi avec les canards, avec ce qu'on appelle les occasionnels. Voilà, alors, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont leurs caractéristiques, voilà. Les occasionnels, je ne connais pas très bien le sujet, j'en ai vu quelques-uns. Ils sont liés à des événements exceptionnels. On dit toujours, par exemple, la comète, le monstre, la pluie d'animaux étranges. Enfin, il y a plusieurs choses. Il y a eu des choses complètement fantasmagoriques, et puis des récits historiques également. Mais traditionnellement, on reconnaît que le développement de la presse périodique, c'est la Gazette en 31, qui était une publication hebdomadaire et qui était inspirée, contrôlée par le roi et Richelieu. Très vite, Renaudot, l'initiateur, qui était un médecin, qui avait d'autres publications, mais son œuvre principale, cette gazette, a été appelée un grand succès, puisqu'elle a perduré jusqu'en 1915 environ. Elle est devenue quotidienne peu avant la Révolution. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'elle a été démultipliée, délocalisé dans les départements. On apportait l'exemplaire par la poste à cheval le plus rapidement possible et aussitôt, puisque c'était moins cher de recomposer le texte, on avait des moyens modernes, on le réimprimait sur place et on faisait une économie. Ça paraît un petit peu étonnant. Mais cette presse périodique, Bernard Jolin, alors évidemment, on ne la lit pas comme aujourd'hui. C'est-à-dire, on la garde, on la fait relier même, oui, je crois. Ah oui, elle est conçue pour ça, en quelque sorte, puisqu'il y a une pagination continue, en général. Donc, on a des volumes avec des pages de garde. Alors, ce sont des exemplaires, là, Le Journal de Paris, c'est le premier quotidien. Il est né le 1er janvier 1777. Premier titre le quotidien français. On est très en retard en France par rapport à l'Angleterre, qui avait un quotidien, le Daily Courant, quelque chose comme ça, tout début du XVIIIe siècle, 1700 et quelques, mais ils étaient eux-mêmes très largement ce qu'ils ignorent, en général, qu'ils veulent ignorer, par les Allemands qui, à Leipzig, avaient un quotidien, les Allgemeinen Zeitungen, 150 ans avant le Journal de Paris français. En revanche, on avait une presse non périodique au XVIIIe siècle, assez florissante, dont on a ici quelques exemples. Vous voyez le Journal des Savants, vous voyez alors, le Journal historique. Alors, très spécialisé, alors, Bernard Jolin. Oui, c'était le Journal des Savants. Il ne faut pas se fier entièrement à son titre. Au titre, oui. Il y a beaucoup de recensions d'ouvrages de toutes sortes. Puis, vous avez le Journal historique et politique. Il rapporte sous contrôle, très, très strict évidemment, des événements politiques et de préférence à l'étranger. Et parce que si on voulait être informé de la politique française, il fallait mieux lire des journaux étrangers qui passaient avec la complicité quand même de fait de la police, mais qui arrivaient en France. Mais ceux qui étaient édités en France étaient sous un contrôle beaucoup trop strict. On n'en est pas encore à cette presse qui est financée, par exemple, par la publicité ou par l'industrie, on n'en est pas. Renaudot a fait un bureau d'adresse. C'était l'autre volet de son activité, et c'était des annonces, effectivement, commerciales. La publicité était associée quand même assez précocement à la presse périodique, de ce point de vue. Et la presse contestataire, enfin, je pense parce que c'est la Révolution française aussi qui, oui, qui arrive. Hein, tout à l'heure, on a parlé des Mazarinades. Il y a eu toujours une presse frondeuse en France, c'est vrai, mais c'est... Enfin, elle s'est exprimée très tôt, à telle enseigne que beaucoup de journaux étaient le fait d'émigrer aussi, qui, ne pouvant pas s'exprimer sur place, allaient fonder des gazettes en Hollande en particulier, sinon en Suisse, en Allemagne, à Liège, un peu partout, même en Angleterre. Oui, Mathieu Corta. Oui, l'impression à l'étranger ne touchait pas que la presse, également les livres. Selon certaines sources, les livres qui circulaient en France au XVIIIe siècle, plus de la moitié étaient imprimés hors de France, principalement donc Genève, Neuchâtel, Bâle, la Hollande, Amsterdam, Leyde et Londres. Voilà. Donc juste, nous sommes ici donc au musée de l'imprimerie et donc nous sommes dans la salle consacrée à la naissance de la presse périodique. On n'a pas encore parlé de la question de l'illustration. Est-ce qu'il est temps d'en parler à Alan Marshall, puisqu'on voit bien ces journaux, voilà, il y a des reproductions de gravures, de dessins, et ça nécessite aussi une technique particulière. Oui, la forme de la presse est toujours très intéressante pour différentes raisons. Donc, les occasionnels, les canards, ils étaient basés sur les illustrations. Par exemple, ici, on a un occasionnel de Verhoeven, un imprimeur belge dont le nom est associé avec les tout débuts de la presse périodique. Mais c'est presque une illustration avec une grande légende qui explique. Il y a beaucoup d'illustrations utilisées dans les canards qui n'ont strictement rien à voir avec le propos de l'événement. Ils sont utilisés pour faire joli. Ils sont parfois découpés, réassemblés, un peu le Photoshop avant l'heure, pour attirer le regard de l'acheteur potentiel. Le format des journaux pendant le premier siècle, c'est très réduit. Ce sont des objets très livresques, pas pour des raisons techniques, parce qu'ils étaient souvent imprimés, ensuite pliés pour faire un cahier de 4, un cahier de 8 pages. Donc si on n'avait pas imprimé, on aurait pu faire un journal qui avait 4 fois le format, comme les occasionnels. Mais ça ne se faisait pas. Donc la presse périodique est, du point de vue de sa forme, encore très, très dominée par un peu le symbolique du livre. Aussi, la typographie des journaux est livresque, résolument livresque, parce que les tout premiers caractères qui ont été conçus exprès pour composer des journaux datent du tout début du 19e siècle. Et quand est-ce que qu'il va y avoir cette bascule, c'est-à-dire qu'on va vraiment pouvoir parler de presse voilà, qui n'est plus justement fabriquée sur le même mode que le livre Alain Marshall? Ça, c'est grosso modo avec l'industrialisation, ou du moins avec la mécanisation de la fabrication du papier qui ouvre quelques portes qui ne sont pas forcément utilisées tout de suite. La possibilité d'imprimer sur des formats plus importants, un agrandissement des formats tout au cours du 19e siècle, ce qui nous amène à changer de pièce. Yes. Alan Marshall, donc là on poursuit sur la presse, et là on voit bien ici donc un journal qui ressemble davantage aux journaux d'aujourd'hui, hein, et donc c'est la presse du 19e qui voit son essor. Les formats commencent à s'agrandir, le nombre de colonnes sur la page augmente aussi, la densité, ça reste très très dense, et ça reste effectivement très dense parce qu'il y avait le timbre, c'était un impôt qui était levé sur chaque feuille de papier, donc là, il faut mettre un maximum d'informations dans une feuille. Et aussi, donc, le timbre, c'est sur une feuille, mais à une feuille de quel format? Et donc, ça fixe des limites économiques très fortes. Une des innovations techniques aussi, c'est justement la machine à papier. C'est qu'on... Ça aussi, ça va favoriser, j'imagine, l'expansion de la presse. C'est souvent très paradoxal, ce genre de choses. On invente la machine à fabriquer le papier, on fabrique du papier en continu, c'est-à-dire en bobine, et tout de suite, on le débite en feuille, parce que la taille s'est levée sur la feuille. Donc, quelque part, il y a des forces très conservateurs qui poussent à maintenir les pratiques existantes. Il n'y a pas de grande rupture où les bobines, tout d'un coup, il faut attendre encore 40 ans pratiquement pour l'introduction des rotatives, pour vraiment exploiter l'utilisation du papier en continu. Donc, c'est toujours dans l'imprimerie, du point de vue technique, c'est un équilibre. Il y a toujours des blocages, il y a toujours des verrous qui sautent à un moment donné et qui sont ensuite freinés parce qu'il y a une autre partie de la chaîne graphique, un autre maillon qui n'a pas été mis à jour. Et petit à petit, il se met en harmonie ou il se heurte. Et aussi, chaque invention ouvre la porte à d'autres qui n'étaient pas forcément prévisibles avant. Dans un contexte socioculturel aussi qui change évidemment, Alan Marshall, on est à la seconde moitié du 19e, un taux d'alphabétisation, les transports qui se développent, tout ça évidemment favorise aussi l'émergence d'une presse plus riche et diverse. Oui, les transports et communications jouent un rôle absolument clé, aussi bien pour acquérir les informations que pour diffuser les journaux, aussi parce que les transports et communications vont être à la base du capitalisme industriel qui va se mettre en place aux deuxième moitié du siècle, avec l'extension des aires géographiques du commerce, donc de la publicité, des annonces, de circulation de l'information commercial, économique, etc. Et aussi l'expansion, l'émergence, on va dire, d'imprimés qui concernent plutôt les loisirs, les spectacles. Enfin, il y en avait déjà avant, mais peut-être qu'on pourrait justement passer à une salle du musée où on peut voir des affiches en couleur faites par des artistes qui vont se consacrer justement à cette technique et mettre en place des dispositifs susceptibles de répondre soit à faire de la publicité ou à l'annonce. Dans le métro, si mesdames nous donnent du bon fromage qu'on nous vend partout en tout petit morceau, c'est la vache qui rit, c'est la vache qui rit pour la plus grande joie de tout le pays. Elle a comme boucle d'oreille une boîte de sa crème sans pareil. Voilà, des affiches de la fin du 19e siècle, dont une assez célèbre, Saxoléine, une affiche publicitaire en fait, qui présente donc une femme habillée avec une robe jaune très éclatante, enfin en tous les cas qui donne beaucoup de lumière à l'affiche en question. Et c'est une publicité pour des lampes à huile ou non ? De l'huile pour les lampes d'éclairage, oui. Donc c'est une affiche de Chéret, l'un des grands maîtres de l'affiche illustrée, lithographiée, fin 19e siècle, imprimée en relativement peu de couleurs, mais ça donne une impression d'être très coloriée. C'est fait avec une très grande économie de moyens. Il y a de nombreuses versions de cette affiche. Chéret a dû le refaire au moins une quinzaine de fois, différentes versions. La couleur se démocratise très sérieusement au 19e siècle avec la chromolithographie. Donc la chromolithographie date de la fin des années 30, mais c'est à partir des années 1870 que vraiment ça commence à envahir tous les supports qu'on peut imaginer, surtout des supports publicitaires. Donc c'est l'époque où la production en masse se met très sérieusement en route. Donc qui dit production de masse dit consommation de masse. Ce n'est pas forcément la consommation de masse à laquelle on pense au XXe siècle, mais il faut écouler les produits fabriqués en série. Donc la publicité, l'information commerciale, prend une place de plus en plus importante et était un formidable générateur d'imprimés de toutes sortes. Toutes sortes de papiers deviennent potentiellement un support publicitaire, que ce soit un en-tête de lettres, un bordereau, un reçu, que ce soit une affiche, un catalogue commercial, une étiquette, un emballage, tout ça, on commence à voir apparaître la manière dont on identifie une entreprise, un produit, avec un secteur de marché, avec une qualité, avec une notion de prix, etc. La publicité va ensuite, plutôt au début du XXe siècle, vraiment se structurer comme l'industrie de la publicité qu'on connaît aujourd'hui. Là, par exemple, derrière vous, Alain Marchal, il y a aussi une des premières boîtes, j'imagine, de Vacheguerry. Les bonbons anis de l'abbaye de Flavigny, le savon, le chat. Donc tout ça date... C'est assez variable. Il y a des grands classiques qui durent des décennies. Hein. Donc le Vacheguerry, c'est pas une image passagère. C'est très bien enraciné. Encore une fois, on revient au transport et à la communication qui sont intimement liés parce que l'emballage, une bonne partie de l'emballage, c'est des produits semi-périssables qui peuvent, avec les chemins de fer, avec des moyens de transport de plus en plus perfectionnés, être vendus sur les aires géographiques très importantes. Donc la publicité, on n'opère plus sur un air local, régional, c'est national, voire international de plus en plus. Mathieu Cortal, sur les emballages, justement, je crois que vous vouliez intervenir. Plus que sur les emballages, c'est plutôt l'étiquetage. On a ici une série d'étiquettes qui ont tout un point commun, c'est que les couleurs utilisées sont toutes dans les tons vert, bleu, argenté, doré. Surtout pas de rouge, une petite pointe de rouge, mais à peine. En fait, l'étiquetage, ça apparaît au XVIIe siècle, tout d'abord pour les étiquettes de champagne, qui est aussi le premier vin mis en bouteille en verre. Puis ensuite, ça se développe pour d'autres types de bouteilles. Donc là, ce sont entièrement des produits anisés, à la menthe, anis. Et donc, des codes graphiques se mettent très rapidement en place. Là, on est vers 1890. Alors, on ne va pas faire une étiquette de pastis rouge. Voilà, la fraîcheur, c'est le bleu, le vert, le gris. Ceux-là survivent encore aujourd'hui. Je ne crois pas qu'il y ait des étiquettes de pastis rouges. À l'opposé, il y a certains codes qui évoluent. À côté, on a mis des ronds de camembert, voilà. Des dessus de fromage, avec donc un plagiat de Vacheguerry, entre autres. Et surtout, ce rond de camembert-ci qui est particulièrement intéressant parce que le texte est en caractère gothique. C'est la tradition, c'est un autre de ces ronds de camembert nous montre même un monastère, laissant croire que ce sont les moines qui fabriquent le fromage. Sauf que là, l'illustration nous montre l'usine industrielle avec une cheminée bien fumante. C'est une entreprise respectable et qui a de l'avenir, donc on montre l'usine. Je doute qu'aujourd'hui, quelconque fabricant de fromage nous montrerait son usine industrielle. Mais là, ça faisait vendre au XIXe siècle, ça montrait le sérieux de la compagnie. Un dernier mot, Alain Marchal, vous vouliez dire ? Non, simplement, on voit ici aussi quelques affiches, il y a des grandes affiches publicitaires à la fin 19e, début 20e siècle, mais aussi il y a quelques affiches de la Première Guerre mondiale. C'est la propagande qui a joué un rôle important dans la systématisation des techniques de séduction, de manière de persuader très souvent par l'image. Pour créer des envies, créer une notion de solidarité, créer des sentiments de culpabilité. Tout ça a été soigneusement étudié à des fins de propagande. Et bien sûr, ils ont été récupérés, réutilisés, perfectionnés par les publicitaires depuis. Et parallèlement, il y a aussi la question de la photo, évidemment, qui apparaît, notamment dans la presse aussi. Comment reproduire la photo dans une version imprimée ? Oui, la photo, toute une histoire très compliquée dans le domaine de l'imprimerie. Les premiers procédés photomécaniques se commencent vraiment à être introduits au milieu du XIXe siècle. Pour ce qui est de la presse, c'est le bois gravé qui a dominé pendant très longtemps. Dans la presse particulièrement, ça a été un peu limité par la qualité du papier. Donc la similégravure rendait bien sur des papiers couchés, et le papier couché lisse, bien blanc, n'est pas du tout le papier typique de du journal. L'autre chose, c'est dans la presse magazine, plutôt. On avait relativement peu de photos. Ils étaient précurseurs dès la fin 19e. Mais les illustrations dessinées continuent à être utilisées pendant assez longtemps. Il y a un facteur, un élément clé. C'est un petit objet qu'on a mis dans cette vitrine sur les débuts de la presse magazine, ou l'essor de la presse magazine, c'est l'appareil photo compact. On n'avait plus à déplacer une chambre. L'introduction de la pellicule Kodak, le caméra compact, ça a ouvert la porte aux photos de reportage. Et on a tenu à inclure ici un exemplaire du magazine Vue, plutôt qu'un magazine Life. En général, on a tendance plutôt à penser que les débuts de photo-reportage, c'est Life Magazine auquel on doit ça. Il ne faut pas oublier que Vue, la revue qui a été créée par Lucien Fogel dans les années 20 en France, a fait l'objet d'un voyage d'études par Madame Henri Luce, la femme de M. Henri Luce, qui était le propriétaire de Time Magazine à la fin des années 20, qui venait voir ce que c'était. Et c'est ensuite qu'elle est retournée aux États-Unis pour créer Life Magazine, devenu Time Life, le grand groupe aujourd'hui. Mais l'appareil photo crée les moyens de faire vraiment des reportages en action, que ça soit sportif, la presse sportive a été très importante là-dedans, ou des reportages d'actualité étaient très importants dans l'essor de la presse magazine entre les deux guerres. Et puis après, on voit aussi un exemplaire de Marie-Claire, donc c'est la photo de mode, etc., évidemment, qui va aussi prendre son essor et avoir énormément de succès. Hein. Après la Deuxième Guerre mondiale, le magazine ne cesse pas de croître. Qui est aussi très lié au fait que les marchés se multiplient. L'information n'est plus monolithique. Déjà, dès la fin du 19e siècle, il y a toute la presse sportive, la presse économique. Il y a une diversification des publics. Et ça va s'accélérer énormément avec toutes sortes de centres d'intérêt qui est générateur d'une dizaine de magazines différentes. Et donc dans cette dernière pièce, c'est la dernière salle, Alan Marshall, du musée, vous avez voulu aborder la fin finalement du monopole de l'imprimerie, ce moment où tout un chacun peut devenir imprimeur de ses propres écrits ou de ses propres images. Oui, il y a deux choses. On montre ici un certain nombre des débuts, un peu de la photocomposition, un peu de l'électronique ou de l'informatique dans l'imprimerie. Il y a une chose très importante. On a un peu de tendance à penser qu'aujourd'hui, la PAO, chacun qui est son propre imprimeur, éditeur, que ça tombe un peu avec le Macintosh pour les plus jeunes, ou pour les moins jeunes, avec la microélectronique, ou au moins avec l'ordinateur. En fait, ça remonte un peu plus loin que ça, dans la mesure où, pendant tout le XXe siècle, il y a un secteur de la production graphique qui monte petit à petit en puissance, en parallèle avec l'imprimerie. C'est la production des documents de bureau. Ça commence à la fin du XIXe siècle, et on met au point toute une série de méthodes de composition typographique avec des petites machines à écrire, d'impression lithographique avec des petites presses offset, ensuite la photocopie, la xérographie, etc. Ça devient un secteur de production à part entière au cours des années 60-70, c'est la reprographie. Et c'est avec l'informatisation, avec l'informatique, la micro-informatique et l'ordinateur individuel particulièrement, en passant par le traitement de texte, que ces deux secteurs vont fusionner. Et c'est à ce moment-là que c'est la fin du monopole des imprimeurs sur la production graphique, sur la production de l'imprimé. Et l'une des conséquences, ou l'un des secteurs le plus spectaculaire, ou du moins le plus remuant de ce mouvement, c'était la presse alternative, qui, dans les années 60, 70, exploitait toutes les nouvelles techniques légères, accessibles, tout le monde peut en faire, bien, moins bien, parfois avec des effets catastrophiques, parfois avec des effets tout à fait spectaculaires et extrêmement efficaces. Donc, c'était une sorte de distillation de ce mouvement à la fois technique, mais aussi une évolution vraiment en profondeur de la manière d'approprier le moyen de production de l'imprimé. C'est certainement la fin du monopole des imprimeurs, c'est pas du tout la fin des imprimeurs, ni de l'imprimerie traditionnelle, ni de l'imprimerie professionnelle. C'est une formidable extension, explosion de non seulement des marchés de l'imprimé, mais aussi des modes de production qui échappent complètement. Et du coup, Alan Marshall ou Mathieu Korta ou Bernard Jalin, ça change aussi l'histoire, les recherches de l'imprimé, du livre. C'est aussi pour ça que vous avez voulu appeler ce musée le musée de l'imprimerie, mais pas seulement de l'imprimerie, musée de l'imprimerie, de la communication graphique. Ça change des problématiques aussi pour les chercheurs en tout domaine hein, qui concernent justement l'imprimé. Oui, c'est pour une double raison. C'était d'abord parce que le fin 19e et le 20e siècle étaient un peu absents de notre collection permanente. Donc, comment comprendre le monde graphique dans lequel on vit sans aborder toute cette production en dehors du livre, de l'estampe, de la presse, des imprimés tout à fait ordinaires, souvent, qui conditionnent quand même notre vie de tous les jours. Et une deuxième préoccupation, c'est tout simplement, c'est un peu plus académique. On est dans un monde où on est à la croisée de trois disciplines. Il y a l'histoire du livre, il y a l'histoire de l'imprimerie et l'histoire du design graphique. Et traditionnellement, quand on regarde ces trois disciplines, certainement l'histoire du livre et l'histoire du design graphique, ils ont un peu tendance à pas se tourner le dos, mais pas forcément dialoguer autant que ça pourrait être utile. Donc les historiens du design graphique, la vraie vie commence à la fin du 19e siècle. Le reste, on peut passer de l'écriture cunéiforme jusqu'à William Morris en un chapitre dans un manuel, et les 15 chapitres suivants sont pour le 20e siècle. Je schématise un peu. Et de l'autre côté, les historiens du livre sont, bon, comme le nom indique, très axés sur le livre. Et ils sont beaucoup moins à l'aise avec les procédés photomécaniques, industriels, la typographie du 20e siècle. Donc, l'un de nos objectifs, c'était tout simplement d'essayer de proposer un vocabulaire, une analyse qui nous permet de regarder la Bible de Gutenberg ou l'encyclopédie de Diderot avec le même regard qu'on regarde ici sur une affiche 68 ou un exemplaire du Charlie Hebdo en l'occurrence, ou un ticket de bus, pourquoi pas. Ce sont des imprimés, on est toujours dans ce monde de textes, d'images, de mise en page, d'ordonnancement de l'information et de discours par les moyens graphiques. Malgré toutes les grandes ruptures technologiques, sociologiques, politiques, économiques, etc., il y a quand même des facteurs de continuité dans la manière dont on ordonnance le discours par les moyens graphiques. Mathieu Korta, vous pouvez peut-être passer dans la pièce à côté. Cette volonté de changement de nom du musée, c'était aussi parce que quelqu'un qui va visiter un musée de l'imprimerie s'attend à voir des livres, peut-être quelques affiches. Et donc ici, dans cette dernière salle, on a des formulaires administratifs, on a des gobelets des Jeux Olympiques de 68, on a des livres d'illustration, des pochettes de disques vinyle et CD, des affiches et notamment, dans ce rimpanneau, des papiers d'emballage, en l'occurrence pour un fast-food ou pour une chaîne de supermarché, avec les polices de caractère et les logos donc, qui ont été dessinés par Serge Cortési, qui est probablement totalement inconnu du plus grand nombre et qui est peut-être l'homme le plus lu de France parce qu'il travaille énormément pour la grande distribution où il dessine les logos de différentes marques. Voilà, quand on avance dans un supermarché, on ne lit quasiment que lui, presque. Il y a environ 80 millions de tonnes de papier qui sont utilisées par an en France. Les chiffres exacts, je ne les ai pas, mais environ 10% est utilisé pour les livres, journaux, magazines et bureautiques. Il reste ensuite les documents administratifs qui ont une bonne part aussi, mais tout le reste, c'est du papier d'emballage. Donc c'est quand même très important. Et papier utilitaire, cartonnage, choses comme ça. Donc ça a une place très très grande dans le quotidien des gens. Et la plupart des gens connaissent des codes, ce qui se remarque beaucoup par exemple dans la bande dessinée. Il y a des codes graphiques dans la bande dessinée que la plupart des gens ont intégré mais qui seraient absolument incapables d'écrire. Et c'est aussi la volonté de cette nouvelle version du musée d'aider les gens à leur montrer, tiens, regardez ici. Par exemple, ici, vous avez un éditeur, les éditions 100 pages, qui fabriquent des livres papier. C'est-à-dire pas des livres numériques. Quand on fait des livres papier, on ne se moque pas des gens, on choisit un beau papier, on fait des tranches colorées, on fait des jeux typographiques, on joue sur la double page, qui est l'unité de base du livre papier, du codex, alors que le livre numérique, l'unité, c'est la page, par exemple. Et on fait des choix typographiques dans un catalogue de polices de caractère disponible qui ne cesse de croître. On a quelques exemples qui terminent la visite, où on a une affiche, par exemple, qui présente le catalogue de la fonderie Linotype, qui est la plus grosse fonderie historique. Enfin, il y a eu énormément de rachats et de choses comme ça. Ça occupe une grande affiche et les textes sont très petits. L'affiche date de 2001. Je pense que si on la rééditait aujourd'hui, on couvrirait la salle avec le catalogue. Et donc, c'est un domaine qui bouge beaucoup. Alors, on a une petite salle ici pour en montrer les grandes lignes. Donc voilà. À suivre alors, oui. Finalement. Le musée, bientôt, aura besoin d'une nouvelle salle. Merci à vous, en tous les cas, Alain Marchal, Bernard Gelin et puis Mathieu Corta pour cette visite. Donc, et vous aussi, Bernadette Molia, pour cette visite donc, dans ce grand musée de l'imprimerie et de la communication graphique à Lyon. Voilà, nous quittons donc l'hôtel de la Couronne, rue de la Poulaillerie, allons à Lyon, le siège donc de ce musée de l'imprimerie et de la communication graphique. Après cette balade donc organisée par Séverine Niattard, avec les témoignages d'Alain Marchal, de Bernard Gelin et de Mathieu Cortin. Cette émission, comme d'habitude, était préparée par Marie-Vonna Bolivier et Aurélie Marcet. Chantal Nouvelot avait assuré la prise de son technique et la réalisation était signée Anne Fleury. Demain, nous continuons et nous terminons cette série sur l'histoire de l'imprimerie en nous intéressant aux Mazarinades, donc à ces textes de la Fronde, puisqu'un colloque s'est tenu le 10 et 12 juin récemment, donc à Paris, autour de cette question des Mazarinades et des nouvelles approches des historiens vis-à-vis de ces textes.